Bien, alors jusqu'ici, nous n'avons établi de comparaison qu'à partir d'adjectifs courts, d'une seule syllabe. Mais supposons que vous voulez comparer deux choses en employant un adjectif plus long, comme par exemple expensive, qui compte trois syllabes. Alors dans ce cas, c'est encore plus simple, puisqu'on retrouve la même construction qu'en français. On dit très précisément plus cher que, c'est-à-dire more expensive than. More expensive than. Alors, comment direz-vous, votre maison est plus chère que ma maison? Your house is more expensive than my house. Your house is more expensive than my house. More than. Plus que. Et si vous voulez éviter de répéter my house, c'est comme en français. Vous direz que la mienne. Than mine. Mine. Alors, prenons un autre exemple. Comment direz-vous, votre idée est plus originale que la mienne? Your idea is more original than mine. Your idea is more original than mine. Bien. Et les amateurs de chiens ne seront sans doute pas d'accord, mais à mon avis, in my opinion, un chien est souvent plus agressif, aggressive, qu'un chat. Alors, comment direz-vous ça? A dog is often more aggressive than a cat. A dog is often more aggressive. A-G-R-E-2-S-I-V-E. Donc, more aggressive than a cat. Alors, pour dire un chat n'est pas aussi agressif qu'un chien, ce sera... A cat is not as aggressive as a dog. Yes, a cat is not as aggressive as a dog. Ce qui revient au même que de dire un chat est moins agressif qu'un chien. Alors pour dire moins que, il vous faut employer less than. Less, qui veut dire moins, et qui s'écrit L-E-2-S. Et puis than. Alors, un chat est moins agressif qu'un chien, ça donnera... A cat is less aggressive than a dog. A cat is less aggressive than a dog. D'accord. Alors, comment dira-t-on « la situation économique est moins grave que l'année dernière » Pour traduire « grave », on avait vu qu'il fallait dire « sérieux ». Donc, « la situation économique est moins grave que l'année dernière » The economic situation is less serious than last year. The economic situation is less serious than last year. Sous-entendu, than it was last year. Bien, alors nous avons parlé d'adjectifs d'une syllabe et de trois syllabes, mais qu'en est-il des autres? Les adjectifs qui, pour ainsi dire, ne sont ni courts ni longs. Prenons quelques exemples de mots qui finissent en Y. Facile se dit... Easy. Easy. Et ce que je vais vous dire est précisément « easy », car tous les adjectifs de deux syllabes qui finissent en « y » prennent « ier » à la place du « y » au comparatif. Donc, on passe de « easy », « e-a-s-y » à « easier », « e-a-s-i-e-r ». Alors, si le chinois, la langue chinoise, se dit « Chinese », « c-h-i-n-e-s-e », comment direz-vous l'anglais est plus facile que le chinois. English is easier than Chinese. English is easier than Chinese, d'accord. Alors vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas que occupé se dit baiser. Ça s'écrit B-U-S-Y, mais on prononce baiser. Donc avec le son B au début, exactement comme le mot business, qui vient d'ailleurs de baiser. Alors, en tenant compte de ce que je vous ai dit des adjectifs de deux syllabes qui finissent en Y, comment direz-vous « plus occupé que » Busier than. Busier than. Et si le mot pour dire « robe » est « dress », D-R-E-2-S, et « joli » se dit « pretty », P-R-E-2-T-Y, comment traduirez-vous « sa robe est plus jolie que la mienne » Her dress is prettier than mine. Her dress is prettier than mine. Bon, je crois que vous avez compris. Bien sûr, tous les adjectifs de deux syllabes ne finissent pas en Y. Par exemple, étroit se dit narrow. N-A-2-R-O-W. Bon, ce mot fait bien deux syllabes, mais il ne finit pas en Y. Eh bien, ce type d'adjectif est considéré comme court, et donc il prend ER à la fin. Alors, plus étroit, ce sera... Narrower. Narrower. Oui. Et de la même manière, si astucieux se dit clever, plus astucieux donnera... Cleverer. Cleverer. D'accord. Alors, d'autres adjectifs sont considérés comme longs. C'est le cas, par exemple, de active, actif. Donc, plus actif, c'est more active. Ou encore useful, utile. Et donc, plus utile, ça donnera... More useful. More useful. Alors, tout dépend de la terminaison de l'adjectif. Mais ne vous cassez pas la tête, car il suffit de choisir le comparatif le plus facile à prononcer. En effet, vous auriez sans doute du mal, et moi aussi, à prononcer useful. Donc, c'est bien more useful qu'il faut dire. Alors, le mieux que vous ayez à faire est de prêter une oreille attentive et imiter ce que les anglophones disent. Et si vous dites par erreur usefuler, ce n'est pas un drame, on vous comprendra quand même, et on vous dira probablement « Oh, you mean more useful ?» Et voilà, votre balle est passée par-dessus le filet et on vous l'a renvoyée. Votre interlocuteur vous a donné la forme correcte. Et comme je l'ai déjà dit, et comme Michel Thomas ne se lassait pas de le répéter, l'important, c'est de communiquer.